Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 23 mars 2018. Voici les grands titres de cette édition. Les officiels burundais ne donnent pas encore de chiffres exacts concernant le budget qui sera consacré aux élections de 2020, ni le montant des contributions attendues de la population. Mais le porte-parole du ministère des Finances annonce que plus de 2 milliards sont déjà dans les caisses de l'État. Reportage dans ce journal sur l'émission publique tenue ce vendredi par les porte-paroles des différentes institutions à Gitega. Le parti UPRONA annonce qu'il versera aussi sa contribution financière pour les élections de 2020. Le président de ce parti a fait enregistrer sa formation à la Commission électorale nationale indépendante pour battre campagne pour ou contre le référendum constitutionnel de mai prochain. Et puis les autorités provinciales à Rumonge ont décidé ce jeudi la suspension de la coopérative d'exploitation de la bauxite signalée à Karonda en zone Kigwena. Cette coopérative doit d'abord avoir les autorisations nécessaires. Et puis les étudiants du département de génie civil à l'université Lumière de Bujumbura se plaignent que 6 mois viennent de s'écouler sans qu'on leur délivre leur diplôme. Le recteur les tranquillise, ils doivent attendre la fin du processus d'agrément de ce département. Voilà pour le sommaire de ce journal. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour. Le parti UPRONA se prépare pour la campagne du référendum constitutionnel du 17 mai de l'année en cours, annonce faite ce vendredi par Abel Gachati. C'est le président de ce parti, en compagnie de ses homologues. Le numéro 1 parti UPRONA venait de se faire enregistrer à la CENI pour participer à cette campagne pour voter oui ou non au référendum. Il a profité de cette occasion pour faire savoir que l'UPRONA compte verser sa contribution financière pour les élections de 2020, comme d'autres Burundais sont en train de le faire. Évariste Nzikobanyana pour les détails. Le parti UPRONA est l'une des familles politiques qui se sont présentées ce vendredi à la CENI, le premier jour de l'enregistrement au rôle de la campagne électorale et au référendum constitutionnel du 17 mai l'année 2018. Après enregistrement, Abel Gachati, le patron du parti UPRONA, a indiqué à la presse que vont suivre les préparatifs à cette campagne sur la question de savoir si l'UPRONA va demander aux Burundais de voter oui ou non. Le numéro 1 du parti de Badasigana a répondu que la position du parti sera prise par le comité central. Oui, la carte est publiée par la CENI, on l'a vu, mais au sein du parti UPRONA, étant un parti organisé, et nous allons soumettre cette question aux différents organes, aux organes dirigeants de ce parti, et le cas échéant, nous aurons l'occasion d'annoncer au Badasigana le comportement qu'ils vont adopter. Satisfaction du côté de la CENI. Pierre Claver Ndaïchadié, qui préside cette commission électorale, rappelle les conditions exigées. Les conditions, c'est d'être en parti enregistré. Les conditions, si vous voulez être une coalition, c'est de montrer que vous êtes devenu une coalition. La loi sur les partis détermine comment on devient une coalition de partis politiques. Celui qui se déclare indépendant doit aussi dire « je suis un indépendant ». Sinon, dans le registre, nous notons bien le nom et le prénom de la personne qui engage le parti ou la coalition. Nous lui demandons de préciser sa fonction dans le parti ou dans la coalition. Et surtout, nous lui demandons d'apposer sa signature. Le président du parti UPRONA a profité de cette occasion pour annoncer que son parti va contribuer financièrement au processus électoral au cas où les conditions le permettraient. Trois responsables des partis politiques UPRONA, MSP Nkinzo et APDR s'étaient déjà fait inscrire ce vendredi avant 10h. Merci Évariste Nzikobanyana. Dans la suite de ce journal, le Burundi est vulnérable face à l'augmentation des risques de catastrophes ces derniers jours. Confirmation du professeur à l'université et membre de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, Jean-Marie Sabouchimike, dans une conférence animée l'après-midi de ce jeudi. Ce professeur a expliqué que la faiblesse du cadre légal et législatif est le principal facteur de cette vulnérabilité du Burundi. Jean-Marie Sabouchimike recommande que ce cadre légal et législatif soit amélioré. On l'écoute. Les risques de catastrophes qui frappent, tels que les incendies, les croulements des bâtiments, la destruction des infrastructures, etc. Mais nous avons insisté aussi sur ce que nous appelons les facteurs de la vulnérabilité et plus particulièrement sur le non-respect du cadre institutionnel et légal. D'urgence, il faut une politique nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes. Cette politique nationale permettrait de mettre en place le texte de loi qui permettrait des applications directes de ces autres lois dont on parle. C'est vrai, il y a les changements climatiques, mais aussi il y a des erreurs humaines en termes d'aménagement du territoire. Et c'est ce même aménagement du territoire aujourd'hui qui est à l'origine des risques naturels, tels que les inondations. Il faut qu'on arrive à une cartographie détaillée pour mieux se rendre compte de l'ampleur possible de ces risques potentiels dans l'avenir. Une fois bien cartographié ces risques, la préparation de la réponse serait aisée. Voilà, c'était le professeur Jean-Marie Sabouchimi, qui est le professeur à l'Université du Burundi. Je vous l'avais dit dans les titres, suspension ce jeudi de la coopérative appelée Mutabazi par le gouverneur de Rumonge en compagnie du responsable de l'Office burundais des mines dans le sud du Burundi et le chargé des renseignements à Rumonge. Cette coopérative doit chercher au préalable tous les documents exigés pour avoir une autorisation d'exploitation de la bauxite signalée à Karonda de la zone Kilwena en commune et province Rumonge d'où nous appelons notre correspondant Jean-Pierre Misako. Comme l'indique Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, les papiers de demande d'exploitation artisanale de la bauxite à Karonda que la société coopérative minérale Mutabazi présente datent de 2015 et leur garantie a expiré. Par ailleurs, le gouverneur de Rumonge indique que l'exploitation minière que cette coopérative envisage d'entreprendre est hors la loi. En effet, selon son responsable administratif, cette coopérative n'a pas d'attestation de vacances de terrain, une attestation que l'administration signe après des conventions dûment signées entre les propriétaires des parcelles concernées et la coopérative en question, et attestée par l'administration collinaire des documents nécessaires pour l'obtention de l'autorisation au sein du ministère de l'Énergie et des Mines. En attendant que tout soit en ordre, toute activité de cette coopérative qui n'est même pas connue jusqu'ici par l'administration provinciale de Rumonge est suspendue, a déclaré ce jeudi le gouverneur de Rumonge. Ce dernier dit soutenir parfaitement les projets d'autodéveloppement de la population, mais tout doit se faire conformément à la loi, raison pour laquelle il conseille à cette coopérative de se faire aider par l'Office burundais des mines. Évariste Bahema, représentant l'égard de cette coopérative, reconnaît être redevable à l'OBR, mais s'est gardé de commenter cette décision du gouverneur, promettant de s'exprimer si nécessaire après l'obtention de ces documents exigés. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Du sport dans ce journal. Deux jeunes Burundais ont été choisis hier par les journalistes sportifs pour représenter le pays à la Coupe du Monde des enfants de moins de 16 ans qui se déroulera en Russie du 8 au 16 juin. Le premier vice-président de la Fédération de football du Burundi, FFB, se réjouit de cette première participation du Burundi à cette compétition appelée Football for Friendship. Mustapha Samurago conseille aux jeunes Burundais de s'intéresser particulièrement à l'apprentissage de l'anglais, car cette langue a été le principal critère de sélection. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Castain Fello et Enzo Gihongore, âgés respectivement de 14 et 12 ans, ont été choisis par les journalistes sportifs ce jeudi pour représenter le pays dans les compétitions de football of friendship prévues en Russie au mois de mai cette année. Mustapha Samugabo, le premier vice-président de la Fédération de football du Burundi, FFB, précise que cet événement est d'une grande importance pour le pays. Comme vous le voyez, en fait, il y a une sélection par les journalistes de deux jeunes qui vont représenter le Burundi à l'événement qu'on appelle Football for Friendship. L'avantage, c'est que les jeunes vont participer pour la première fois. Ça va être une occasion de rencontrer les autres. Ça va être une occasion de s'exprimer à travers cet grand événement. Je crois qu'il y aura des programmes qui vont être définis, qui vont être orientés dans le développement du football pour les jeunes. Le premier vice-président de la FFB lance un appel vibrant à la jeunesse burundaise de s'intéresser à l'apprentissage des différentes langues, surtout l'anglais. L'appel que je vais lancer aux jeunes, c'est que, en fait, il faut qu'ils s'attellent vraiment à la connaissance des langues. Vous savez, aujourd'hui, l'anglais, c'est vraiment une langue très importante. C'est bien qu'il faut même parler le Kirundi quand tu es burundais. Il faut apprendre aussi le français, qui est aussi une langue nécessaire. Mais on leur demande aussi de s'atteler à l'anglais, parce que vous savez, l'anglais, c'est vraiment une langue, je dirais, qui est beaucoup parlée dans le monde. Les deux jeunes burundais qui ont été choisis constitueront différentes équipes avec d'autres jeunes du monde qui ont eu l'opportunité de participer dans ces compétitions d'ici avant le début de la Coupe du Monde prévue le 14 juin 2018. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Je vous l'avais dit, le ministère burundais des Finances a annoncé que les contributions pour les élections de 2020 dépassent déjà 2 milliards de francs burundais. Le porte-parole du ministère des Finances, Désiré Moucharitse, l'a dit ce vendredi lors de l'émission publique tenue au chef-lieu de la province de Gitega par les porte-paroles des institutions de l'État. On reviendra sur cela tout à l'heure. Mais sachez que le porte-parole du président de la République, lors de cette émission publique à Gitega, a eu un mot à dire sur la mise en avant des clans au Burundi par rapport aux ethnies telles que prônées aujourd'hui par le président de la République. Pierre Nkurunziza, c'est dans l'optique de montrer aux Burundais que la dislocation des clans est l'une des sources des malheurs que le Burundi a connu à différentes périodes. Avant l'arrivée des colonisateurs, explique Jean-Claude Karegwa, le porte-parole du président, les Hutus, les Tutsis et les Twas existaient, mais leur considération dans le temps n'était plus la même aujourd'hui. Suivez plutôt les explications de Jean-Claude Karegwa, c'est le porte-parole du président de la République, il est traduit en français par Elinibel Nibigira. Avant l'avènement des colonisateurs, les Hutus, les Tutsis et les Batois étaient des classes sociales, compte tenu de leurs fonctions et leurs capacités dans la vie du pays. C'est différent de groupes ethniques. Dans ses enseignements, le président de la République explique que, généralement, quand on parle de deux personnes d'ethnie différentes, c'est qu'elles sont de langues différentes, de dieux variés, résidant dans des localités différentes, avec des cultures qui ne se ressemblent pas. Mais comme vous le savez, les Burundais forment un seul groupe ethnique, car ils prient le même dieu, parlant une même langue, avec les mêmes coutumes et cultures. C'est sur ces classes sociales qu'était fondée la paix et l'harmonie au Burundi de nos ancêtres. Il y a des clans d'où provenaient les forgerons, des clans de médecins traditionnels, de faiseurs de pluie et bien d'autres. On dit également qu'il y avait des familles qui étaient destinées à être à la tête des autres. Pour ceux qui font partie de ces familles, ne croyez pas qu'un jour, ils vont revenir pour monopoliser le pouvoir. Non. Tous les clans étaient représentés à la cour royale. Tous les Burundais ne pouvaient pas être roi, prince ou chef. Mais au niveau de chaque institution, il y avait des conseillers à la cour et qui provenaient de tous les clans. Mais ce qu'on veut souligner ici, c'est que quand les Burundais ont scindé les clans, ils croyaient que c'est la base de la vie du pays. Après avoir supprimé les clans, les Burundais sont restés comme un arbre déraciné et qui par après perd sa fraîcheur. Si jamais on revient sur les clans, chacun saura l'importance de ces clans et ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas de division ethnique, car à l'époque monarchique, les Burundais ne s'entretuaient pas. Jean-Claude Karegwa, c'est le porte-parole du président de la République. Les étudiants du département de génie civil à l'Université Lumière de Bujumbura se plaignent que 6 mois viennent de s'écouler sans qu'on leur délivre leur diplôme. Ils disent par ailleurs ne pas comprendre la présence des éléments de la police à cette université au moment où ils réclament leurs droits. Le recteur de cette institution, Deo Gracias Nimagaritse, a demandé à ses étudiants d'attendre la fin du processus d'agrément de ce département. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je venais de vous le dire tantôt, le ministère burundais des Finances a annoncé que les contributions pour les élections de 2020 dépassent déjà 2 milliards de francs burundais. Le porte-parole du ministère des Finances, Désiré Moucharitse, l'a dit ce vendredi lors de l'émission publique tenue au chef-lieu de la province de Gitega par les porte-paroles des institutions de l'État. Seulement, à propos du montant global dont on a besoin à travers ces contributions, la Commission électorale nationale indépendante a dit à travers la voix de son porte-parole qu'il faut patienter un peu. Léonce Vitalio, vous avez suivi cette émission publique. Dites-nous ce que vous avez entendu. Oui, Bosco. Désiré Moucharitse, le porte-parole du ministère des Finances, a fait savoir que jusqu'aujourd'hui, le montant qui se trouve au compte destiné à la contribution pour ces élections de 2020 approche 2 milliards et 200 millions de francs burundais. Il précise que ce sont seulement des cotisations volontaires des fonctionnaires de l'État ou des ministères. À la question concernant le montant global de contribution pour ces élections, le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Prosper Narugwamiye, demande un peu de patience. Il sera connu d'ici quelques jours. Pour le moment, la CENI est très occupée, surtout avec les préparatifs pour le référendum constitutionnel. Lors de cette émission publique des porte-parole à Gitega, le ministère de l'Intérieur a rappelé que les contributions de ménages à hauteur de 2000 francs burundais chacun et annuellement seront versées. Il n'est pas question de différencier qui est et qui n'est pas agent de la fonction publique, selon Terence Naïra, le porte-parole du ministère. C'est au moment où certains des fonctionnaires de l'État estimaient que là, ils auraient contribué doublement. Merci Léonce pour ce compte rendu de déclaration de différents porte-parole des institutions à propos de ces contributions. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Francine Ndiokougayo. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Au micro, Jean Bosco Ouimana. Passez un bon après-midi.